Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le MAG sur Radioactive. Vous nous écoutez sur les communautés de communes Amboise, Est Tourangeau, Bléré-Val-de-Cher et on est content de vous retrouver pour une nouvelle semaine sur Radioactive. Alors comme chaque année, la quinzaine de la parentalité revient avec un programme riche en rencontres, ateliers, discussions pour accompagner les parents dans leur quotidien. C'est au programme aujourd'hui dans ce MAG. Nous accueillons les co-animatrices du réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents. Surtout, dites-moi si je fais des erreurs, les filles. Elles vont tout nous dire sur les temps forts de cet événement et les ressources mises à disposition des familles. Nous accueillons Delphine Delgado, responsable petite enfance à la communauté de communes Val d'Amboise. Bonjour Delphine. Bonjour. Et puis Angéline Derouet, référente famille au centre social MJC Charles Péguy à Amboise. Bonjour Angéline. Bonjour. Alors toutes les deux, vous co-animez ce service, ce réseau qu'on appelle le Réap. Vous fonctionnez avec beaucoup de sigles dans votre domaine. Hein. Ouais. Faut suivre. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler chacune un petit peu vos rôles respectifs? De mon côté, donc, je suis responsable du service petite enfance et parentalité pour la communauté de communes. Et donc je coordonne le réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents, le Réap, et je le co-anime avec Angéline, qui m'accompagne sur la préparation des réunions, toute la communication, et voilà. Très bien. Et donc Angéline ? Je mets l'ambiance et je... l'idée, c'est vraiment d'être deux à partager l'animation du réseau et puis des réunions. Donc, c'est vrai que c'est Delphine qui a un peu plus la main sur le rappel aux partenaires, etc. Et moi, pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça que ça s'organise un peu. Pour l'instant, je suis plus sur la partie communication, les affiches, le flyer de la quinzaine. Enfin, voilà, on essaye d'équilibrer un peu nos diverses interventions, mais on est assez complémentaires, je trouve, dans la façon de faire, donc ça fait un an que ça roule. Très bien. Donc ce réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un réseau de partenaires locaux qui sont tous en lien d'une façon ou d'une autre avec des familles, avec des parents d'enfants de 0 à 18 ans, voire plus. Et donc ce réseau travaille pour les parents, en tout cas se concerte pour les parents, mais aimerait aussi travailler avec les parents, donc ça c'est une autre étape. Et on essaie en tout cas de se donner de l'actu, de coordonner nos actions, de mettre des moyens en commun pour avoir un programme et des propositions cohérentes et mutualisées, comme je disais, sur le territoire. À quelle fréquence vous vous rencontrez pour justement organiser tout ça ? Une fois par mois. En fait, on a une réunion de 2 heures, 2 heures et demie, une fois par mois. Sachant qu'à ces réunions, avec Delphine, on se voit entre chaque réunion aussi pour pouvoir préparer la réunion. On s'appelle, c'est vraiment un travail de proximité toutes les deux aussi pour être sûre de rien oublier, pour pouvoir avoir les infos, se transmettre les infos. Enfin, c'est un vrai travail d'équipe. Mmh. Là, l'objectif dans la co-animation, c'est vraiment de donner la parole et d'aider à la réflexion, mais c'est vraiment les partenaires qui construisent. Donc nous, dans nos réunions ensuite, toutes les deux, le but, c'est de repartir des propositions et de laisser la main quand même aux partenaires et de ne pas tout diriger. Et de compiler tout ça, ce qui ne doit pas être forcément toujours très simple, on l'imagine, parce qu'il y a beaucoup de partenaires présents sur ce Réap. Mm. Oui. En moyenne, vous êtes... Plus d'une dizaine, entre 10 et 15, suivant les années. Voilà. Mm. Suivant les années, l'implication est plus ou moins importante, mais on est toujours entre 10 et 15. Alors l'actualité en ce mois de mars, c'est la quinzaine de la parentalité. Alors même question, quel est l'objectif de ce temps fort ? Alors, sur la quinzaine de la parentalité, en fait, c'est un appel à projet de la CAF, la quinzaine de la parentalité. Donc là, la thématique cette année, c'est la parentalité, une épreuve. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir proposer aux parents, aux familles, diverses activités, rencontres pour pouvoir élaborer, on va dire, autour de cette thématique. Donc, sur 15 jours, donc là, c'est du 22 mars au 6 avril. Mmh. Et sur ces 15 jours, on a un temps fort où tous les partenaires se réunissent au même endroit et proposent diverses actions. Du coup, je te laisse la main, Delphine. Sur Bulle d'air en famille, l'objectif, c'est que tous les partenaires qui s'impliquent soient représentés donc par différents stands, mais autour d'animations, d'activités ludiques. Tous les partenaires couvrent la totalité de la tranche d'âge 0-18 ans. Donc, il y en aura vraiment pour les tout-petits avec un espace jeunes enfants. Il y en aura pour les ados, puisqu'on s'associe au club ado cette année, proche du parc Noisette de Possé, là où se déroule cette fameuse bulle d'air en famille, le 5 avril. Il y aura de quoi faire du lien ou avec tous ces stands. Et c'est l'idée, c'est de changer aussi un peu l'image des partenaires. Pensez à la MDS, aux assistantes sociales qui sont parfois un peu stigmatisées. Bah, c'est les voir autrement, aller à leur rencontre. Oui, des temps d'échange qui peuvent même paraître informels finalement sur des temps comme ceux-là. Oui, oui. C'est important aussi. Tout à fait. Alors ça, c'est le temps fort qui aura lieu le samedi 5 avril. Ce sera l'après-midi, 14h-18h, au parc Noisette, comme l'a dit Delphine, juste à côté du gymnase, petit parc très sympathique, somme toute, près du club ado. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le déroulé du programme qui nous attend d'ici cette date ? Alors le programme, il est élaboré sur la totalité de la quinzaine. On a quasiment une action par jour à peu près. Comme je disais, on couvre donc toutes les tranches d'âge. Mmh. C'est la petite enfance qui va ouvrir la quinzaine avec un ludobus famille. Les PEP 37. Voilà, à la salle des fêtes de Mône. Bulle de Môme organise... La nuit du jeu. La nuit du jeu, merci, j'avais perdu le nom. La nuit du jeu le samedi soir à Saint-Ouen-les-Vignes. Et ensuite, on déroule avec des cafés poussettes, des cafés papotes, des ateliers pour les parents sur des thématiques autour du handicap, des émotions, du sommeil, de tout ce qui peut être une épreuve. Alors juste aussi, du coup, il y a le temps fort le samedi, mais le samedi 29 mars, il y a aussi à la médiathèque Aimé Césaire une compagnie de théâtre qui vient faire un spectacle qui s'appelle le Lonely Sweetie. Donc, compagnie c'est la Dérouillée. Ouais, voilà. Compagnie la Dérouillée. Et en fait, c'est sur justement la thématique des réseaux sociaux. Comment accompagner son ado dans cette découverte, on va dire, des réseaux sociaux et de ce que ça peut impliquer aussi comme danger. Et l'idée, c'est de pouvoir, après ce spectacle, avoir un moment de discussion avec les ados, avec les parents. Et c'est complété par l'intervention avec l'espace santé jeune du mercredi 2 avril, pareil, avec parents et ados. Ça s'adresse aux parents, mais c'est de pouvoir engager la réflexion des parents avec les enfants. On voit beaucoup le thème des émotions revenir à plusieurs reprises dans ce programme. Est-ce que c'est quelque chose qui a été justement pensé en réap aussi, de pouvoir proposer des temps d'expression de l'émotion ? Bah forcément, les enfants ressentent des émotions, qu'ils soient tout petits ou adolescents, et on se retrouve face à ces émotions. Et ce qui est important aussi dans la gestion des problématiques ou des conflits qu'il peut y avoir avec les enfants, bah c'est aussi sa propre gestion en tant qu'adulte et parent de ces émotions-là. Donc bah pour nous, il était évident que c'était un peu la pierre angulaire, le point de départ de toute cette réflexion, c'est de se repositionner aussi en tant qu'adulte et de se re-questionner sur sa gestion à soi des émotions pour accompagner les enfants, quel que soit l'âge. Et à partir du moment où on a une attitude en réflexion, en tout cas avec sa gestion de ses propres émotions, de pouvoir les nommer, de pouvoir revenir dessus, les enfants, derrière, ils imitent, ils apprennent des mots. Voilà, c'est vraiment le point de départ de tous les échanges par enfant. Est-ce que dans ces réflexions-là, vous avez des représentants de l'école, de l'éducation nationale, qui viennent aussi apporter leur regard, puisque bah, qui dit enfant dit forcément école ? Donc, sur l'école, sur cette quinzaine, on n'a pas de lien direct avec l'école. On a le programme de réussite éducative de la ville d'Amboise qui est représenté et qui est avec nous sur le temps fort. On a des contacts avec les écoles, même jusqu'au lycée, puisqu'on les inclut petit à petit dans le réseau. Mmh. Là, sur la quinzaine, ils ne sont pas particulièrement représentés, mais c'est un projet et le réhab, d'année en année, s'étoffe et accueille de plus en plus de partenaires. Et en effet, l'éducation nationale en fait partie. Donc, on les atteint grâce au programme de réussite éducative. Je fais le parallèle parce que je sais d'expérience en étant maman que dès la maternelle, on travaille sur l'expression des émotions, au travers du petit monstre des couleurs, etc. Ces petits outils que les parents doivent bien connaître pour le coup et qui permettent déjà de les sensibiliser au fait de pouvoir en parler. Est-ce que vous pouvez nous dresser une petite liste des partenaires qui vous aident à l'organisation de tout ça ? Waouh. Alors, déjà, pour cette quinzaine, je crois qu'avant tout, il faut remercier la ville de Possé-sur-Cisse qui nous accueille au parc Noisette. Donc déjà, c'est quand même important de le souligner. Parce que c'est itinérant, cette quinzaine, ce n'est pas tout le temps au même endroit. Non, dans l'idée, on aimerait bien pouvoir se déplacer à terme, faire une bulle d'air en famille chaque année sur un lieu différent. Mmh. Ça veut dire aussi en termes de logistique qu'il va falloir organiser des navettes. bicyclettes pour que les gens qui ne sont pas véhiculés puissent arriver jusqu'au parc. Donc ça, c'est en cours d'organisation et de programmation. Mais l'idée, c'est de pouvoir aller dans toutes les communes de la CCVA qui voudront bien nous accueillir. Ok. Pour mettre de la joie et de la bonne humeur partout. Et oui, que tout ne se fasse pas toujours sur les villes-centres. Oui. Voilà, la communauté de communes, c'est 14 communes, donc on aimerait laisser la place à chacun. Bien sûr. Aller vers les gens aussi, qui ont peut-être plus de difficultés à se déplacer ou à oser aller vers. Donc, après, en termes de partenaires, c'est assez varié. Il y a des institutions comme, comme le conseil départemental, comme les villes, comme le CHRS Anne de Beaujeu par le biais de la Croix-Rouge. Enfin, c'est l'inverse, c'est la Croix-Rouge par le biais du CHRS Anne de Beaujeu. Il y a le centre périnatal aussi, puisque, en fait, c'est même de la grossesse, en fait. Le réhab, ça commence aussi avec la grossesse et même parfois le désir d'enfant. Enfin, on est déjà dans ce réseau-là. Et puis, il y a tout ce qui va être culturel, donc ça va être Bulle de Môme, c'est Livre Passerelle, c'est la MJC évidemment, c'est aussi l'espace santé jeune pour tout ce qui est le rapport à la santé, le rapport au handicap, il y a parentèle, il y a les PEP, il y a le pôle ressources handicap aussi. Enfin voilà, c'est vraiment très très varié. C'est vraiment très varié. Cette année, sur le temps fort, on a par exemple le Boxing Club amboisien, pas facile à dire, qui nous rejoint et qui vient participer au temps fort. Donc, c'est très varié. La CAF qui copilote les réap et cette action départementale de la quinzaine de la parentalité et qui donc finance pour notre secteur à hauteur de 80% les actions mises en place. On en entend quand même plus parler, je trouve, ces dernières années. Alors peut-être parce qu'on a une oreille plus attentive quand on est effectivement parent et dans tout ce rouage-là. Mais vous avez une belle fréquentation sur ces quinzaines de la parentalité ? Alors on va être sur notre troisième édition. Ok. Donc on a organisé une première édition où on y allait vraiment dans l'ouverture et le bon cœur. Donc nous n'avons pas quantifié la participation. L'année dernière, on a pris un petit peu le pli de compter les personnes qui sont venues se joindre à nous pour cette après-midi. Ou même de prendre des photos pour se rendre un petit peu compte de la fréquentation aussi. Et on a eu environ, on va dire, 500 personnes qui ont fréquenté, parce qu'on ne compte pas ceux qui sont passés sous la rue Balise, par-dessus les barrières. Mais voilà, on a environ 500 personnes... Qui ont profité de cet après-midi ensoleillé. Après, ça peut être un peu compliqué sur cette année de faire un comparatif. Enfin, ça va être un peu compliqué peut-être de faire un comparatif par rapport à l'année dernière parce que là, pour aller jusqu'au parc Noisette, à moins que vraiment tu sois en train de te balader à Possé à ce moment-là et que tu tombes sur le parc Noisette et sur nous, sur Bulle d'Air en famille de l'année dernière, c'était beaucoup de personnes qui venaient aussi se promener sur l'île d'Or et qui, voyant qu'il y avait une animation, sont venues. Donc je pense qu'en termes de fréquentation, on ne pourra pas faire de comparatif avec ce qu'on a fait l'année dernière. Mais on a bon espoir parce que c'est aussi quelque chose qui commence à être un peu instauré. C'est la troisième édition, on en parle. Il y a des choses qui se mettent un peu en place et ça peut devenir, en tout cas, je l'espère, un rituel, un événement tous les ans qui se répète et ça serait vraiment chouette que ça continue à prendre forme. Et puis que ce soit attendu. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez des retours de parents ou de jeunes qui ont fréquenté les premières éditions, que vous auriez recroisées ? Alors, ils nous en parlent pas forcément par la suite, mais on les retrouve sur d'autres événements. Ou alors des événements que chaque structure a fait. Les parents se disent « Ah, je connais telle structure, je vais aller voir ce qui se passe un peu du côté de la quinzaine. » On va un peu dans les deux sens, ce qui fait qu'on a un public qui commence à être un peu identifié avec des gens qui viennent un peu sur toutes les actions. Mais ensuite, on fait pas d'enquête ou on fait pas de retour sur ces actions. Vous avez l'impression que les dispositifs enfance, globalement, sont assez connus ou devraient l'être encore plus ? Il faut travailler notre communication. Ce que vous faites en étant là aujourd'hui. Voilà, c'est ça. La problématique aussi, je trouve, de nos jours, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de propositions, et c'est difficile pour les parents, toujours, de s'y retrouver et de franchir le pas d'aller vers. Et c'est pour ça qu'instaurer chaque année ce temps fort pour rencontrer les structures, rencontrer les personnes qui font vivre ces structures, que ce soit des bénévoles, des salariés, des agents de la fonction publique, ça permet aussi plus tard de se dire « Ah oui, je vais oser aller vers cette action-là, je vais me permettre d'aller m'interroger, je sais que c'est dans la bienveillance, dans le non-jugement. » Donc on essaie de travailler un petit peu sur la communication globale en étant ici aujourd'hui, mais aussi sur la communication de proximité avec les familles et de miser en effet sur la facilité de nous interpeller, comme dit Angéline, sur la bonne ambiance et voilà, sur le bon accueil. Et tout est gratuit aussi, c'est important de le dire. Alors, est-ce que ça nécessite quand même de s'inscrire sur certains moments de ce programme ? Alors oui, il y a des interventions où il est fortement conseillé de s'inscrire pour avoir aussi une bonne qualité d'animation et de cohérence de groupe. Il faut qu'il puisse y avoir un nombre à pas dépasser. Et donc en fait, c'est précisé sur le flyer de la quinzaine. Qu'on peut trouver où d'ailleurs ? Alors, on peut le trouver où ? On peut le trouver chez toutes les bonnes librairies. Non, je plaisante. Désolée. Non, on peut le trouver sur le site Parents Touraine, qui recense toutes les actions, mais au-delà même de la quinzaine de la parentalité, toutes les actions en lien avec la parentalité sont sur le site Parents Touraine. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter, quand on est parent, à aller fouiller sur ce site-là. Et donc sinon, chez tous nos partenaires, là on est en train de commencer justement à envoyer les flyers, à les mettre sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, c'est... Enfin, avec un moteur de recherche, quinzaine de la parentalité, on tape 2025. Au pire 2025, absolument, parce que ouais. Ah, on connaît qu'on tapait 2024, et qui, enfin qu'on pas tapé et qui se retrouvait en 2024. Et qui se retrouvait avec le programme de l'an dernier, qui était très chouette d'ailleurs. Mais effectivement, on peut retrouver facilement. Delphine allait intervenir. Oui, en effet, il y a de la communication à grande échelle sur, je pense aussi, les sites des différentes structures, sur le site de la communauté de communes également. Et pour les structures qui sont en lien avec les familles et qui ont un mailing, un listing de familles, elles vont recevoir aussi ce programme directement. Donc voilà, il y a plusieurs créneaux. Et dans toutes les structures partenaires, si vous venez... visiter, si vous avez un rendez-vous, vous trouverez probablement la plaquette. En tout cas, il ne faut pas hésiter à la demander. Ou en tout cas, c'est affiché sinon en grand. Voilà. Mais après, on a peur que ça fasse un peu trop harcèlement. Tu vois, si on le donne à tout le monde dans la rue, venez nous voir, c'est... ça pourrait. Alors, je t'ai coupé, Angéline, mais tu allais nous dire à quel temps fort il fallait s'inscrire et comment. Oui. Alors, on s'est séparé les inscriptions en deux avec Delphine, c'est-à-dire que pour tout ce qui va être les interventions portées par la MJC en co-animation, notamment sur le spectacle Lonely Sweet Hill 29 mars, et puis le Café Papote du 25 mars avec le Pôle Ressources Handicap et les deux interventions avec l'Espace Santé Jeune sur les deux mercredis. Là, c'est auprès de moi qu'il faut s'inscrire, donc soit sur mon adresse mail, soit sur mon téléphone portable pro. Donc c'est indiqué sur la plaquette. Et du coup, pour les interventions portées par Delphine, je laisse la parole à Delphine. Donc sur les deux ateliers qui se dérouleront les deux jeudis de la quinzaine, sur la montagne russe des émotions le jeudi 27 mars et le sommeil du jeune enfant le jeudi 3 avril de 17h30 à 19h30. Donc soit c'est également sur mon téléphone pro, sinon sur l'adresse générique parentalité au singulier @cc-valdamboise.fr. N'hésitez pas, il y a de la place. Très bien. Sur le gros temps fort de cette quinzaine qui viendra clôturer d'ailleurs cette quinzaine, Bulle d'air en famille, ce sera le samedi 5 avril de 14h à 18h au Parc Noisette à Possé-sur-Cisse. Est-ce qu'on peut en savoir plus du programme précis de cette journée ? Alors comme le disait Delphine tout à l'heure, il y aura différents stands avec les différents partenaires, mais on a essayé de faire aussi un fil rouge un peu, alors il y en aura deux même des fils rouges, puisque il y a aussi l'idée d'un coin expression, enfin je ne sais pas si le coin est bien, mais en tout cas d'un lieu d'expression pour les parents, puisque d'ailleurs tu seras présente ce jour-là, sur justement l'expression de leurs expériences en tant que parents. Donc ça c'est le premier fil rouge, et le deuxième fil rouge c'est... On est en train de créer une sorte d'escape game de la parentalité, c'est-à-dire que l'idée c'est d'accompagner les parents dans une histoire un peu fictive de voilà, vous êtes parents, vous avez un enfant, machin, et vous avez différentes épreuves qui vous attendent, et selon l'épreuve que vous avez, vers qui vous vous tournez. Et l'idée, c'est que les parents puissent vraiment aller de stand en stand, parce qu'on s'est rendu compte l'année dernière que les parents qui venaient avec des enfants en bas âge allaient directement vers les pôles petite enfance et du coup ne faisaient pas le tour des stands. Et alors que, en fait, comme on essaye aussi de travailler en transversalité, n'importe quel partenaire peut à un moment donné correspondre. Mmh. L'idée, voilà, c'est de faire un grand jeu sur cet après-midi-là où les parents iront de stand en stand, récupéreront des petits tampons sur leur livret parce qu'ils auront trouvé le bon partenaire. Et puis à la fin, surtout, en fait, ils auront tout un récapitulatif des missions, des contacts des différents partenaires qui font ce réap. C'est une très bonne idée, à mon avis. Ce sera un fascicule assez précieux à garder dans son sac à main. Pour le reste des animations, si je peux me permettre. Bien sûr. On aura donc, je disais tout à l'heure, un espace petite enfance pour les tout petits. Mmh. Il y aura à la fois des espaces où on va pouvoir se dépenser. On parlait de la boxe, on parlait aussi sur le stand, enfin on parlait pas, mais sur le stand petite enfance, il va y avoir aussi de quoi se défouler, s'exprimer. En compensation, on a des coins lecture, des espaces zen, des balades nature. Il y aura une exposition aussi de panneaux Fanny Vella sur la parentalité et se mettre à la place d'eux. Il y aura des défis en famille où les enfants vont un peu se mesurer aux parents et inversement. Mmh. Donc voilà, il y aura des jeux à la fois individuels, à la fois collectifs. De quoi se poser, de quoi s'amuser. Et puis, il y a des surprises, mais il ne faut pas se les dire, parce que sinon, ce n'est plus des surprises. Par définition. Faut venir. Eh bien, vous l'aurez compris, il ne faut rien rater de cette quinzaine de la parentalité. Tout est gratuit. Vous pouvez retrouver le programme sur tous les bons moteurs de recherche en mettant bien l'année 2025, précisons-le. Merci beaucoup à Delphine Delgado, responsable petite enfance à la communauté de communes du Val d'Amboise, d'être venue aujourd'hui. Merci Delphine. Ben, merci à toi. Merci à Angéline de ne pas avoir oublié ce rendez-vous que nous avions ensemble aujourd'hui pour présenter cette quinzaine de la parentalité. C'est un coup bas. Angéline qui est référente famille. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt, c'est la fin de ce mag. Vous pourrez le réécouter en podcast sur la page Facebook Radioactive 93 et 94.7 FM.